Bonsoir Madame Soder. Vous avez grandi en Alsace, une région française près de la frontière suisse. Comment ça se fait que vous êtes retournée en Suisse? Après mon baccalauréat, j'ai voyagé un petit peu et ensuite je suis revenue dans mon canton d'origine, dans mon pays d'origine, à Bâle-Ville. D'accord. Mais vous aviez bien grandi en Alsace, vous n'avez jamais habité à Bâle avant. Non, mais j'avais toujours eu envie d'habiter à Bâle. Je ne faisais que des visites, mais j'avais toujours envie de revenir habiter dans mon pays d'origine. À propos de la langue, maintenant vous parlez bien français, comment vous avez fait tout ça? Comment ça s'est passé quand vous êtes venu à Bâle pour, parce que Bâle est quand même une région de la Suisse allemande où on parle l'allemand. Comment ça se faisait? Comment ça, vous avez fait? J'ai étudié l'allemand pour le baccalauréat et ensuite j'ai repris des études de langue allemande pendant 2-3 ans pour reprendre toutes les bases de la langue allemande. Et ça s'est bien passé. Très bien passé, de toute façon je parlais tous les dialectes, autant l'alsacien que le suisse allemand. De ce fait, ça ne m'a pas vraiment posé de problème. D'accord. Et de parler deux langues, ou je dis deux langues maintenant, mais ça vous a aidé dans votre travail que vous avez pris dans le temps que vous êtes venu à Bâle? Ça m'a toujours aidé, je peux même dire que ça a été un des éléments principaux qui ont aidé les personnes qui m'ont employé à choisir ma candidature parce que justement j'étais multilinguiste. Et dans votre emploi actuel, vous travaillez dans les ressources humaines chez Manor. Combien de jours dans la semaine vous pratiquez la langue française? Je la pratique tous les jours. On pratique tous les jours l'allemand, le français ainsi que l'italien, voire l'anglais. Waouh! Et à la maison, vous avez des enfants, comme j'ai appris. Est-ce qu'ils parlent aussi le français? Oui, je me suis toujours donné la peine de leur parler en français, bien que c'était quelquefois difficile de redire deux fois les mêmes choses dans deux langues, mais j'ai toujours pensé que ça servirait beaucoup à mes enfants de d'entendre les mêmes situations dans deux langues différentes. J'ai même pris la peine d'acheter les livres d'enfants, les mêmes livres d'enfants dans les deux langues, Wow. et de lire un soir celui en allemand et l'autre soir celui en français. Donc vos enfants sont des vrais pros de langue maintenant. Je dirais presque, oui, mais ça ne les a pas toujours. Enfin, les deux étaient très différents. L'un s'est toujours intéressé aux langues, l'autre ne voyait pas vraiment l'utilité de faire ce genre de gymnastique quotidiennement. D'accord, donc c'était... Parfois, c'était alors dur de rester convaincu que le français était important pour vos enfants et de leur dire que ils devaient pratiquer tout ça. Non, mais c'était très rigolo parce que j'étais convaincue qu'un jour ils diraient merci, au plus tard quand ils arriveraient à l'étude de la langue française. Et c'est à partir du moment où ils ont remarqué que leurs notes étaient de toute façon très bonnes qu'ils ont trouvé que finalement mon idée de parler étranger, voire français à la maison était une excellente idée. Eh bien, donc vous êtes un bon exemple que la langue, c'est vraiment un trésor et qu'on devrait faire beaucoup pour au moins apprendre deux langues, si je vous ai bien compris. Oui, je pense que ça apporte et que ça apportera encore dans de longues années beaucoup d'atouts dans le monde du travail, certainement, et que de toute façon, c'est une certaine ouverture d'esprit. Eh bien, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.